Un gros loup bondit soudain de derrière un arbre. Il était affamé et avait l'air méchant. Mais comme il était aussi très rusé, il savait qu'il devait se montrer aimable pour ne pas effrayer la petite fille. Il ne voulait surtout pas voir s'enfuir son repas. Il prit donc sa voix la plus douce pour lui demander « Où vas-tu ainsi, petite fille ? Toute seule dans ce bois ?»« Je vais apporter une galette avec un joli pot de beurre à ma grand-mère qui est malade, » répondit gentiment le petit chaperon rouge. Alors qu'elle le regardait avec ses petits yeux innocents, lui, il imaginait le festin qu'il allait bientôt déguster et se léchait déjà les babines. «